Bibi, yeah, El Matador. Pumbatak, Frollo, c'est quoi les G's? C'est quoi les G'ski? C'est le rap dans la hure, dans la test. Frollo, dans le blog. Si le rap est mort, je finirai pas comme Biggie ou Tupac ou tard. J'arriverai à voir le bout du couloir. Moi j'agis, je parle peu. Tu peux pas être choumi dans le circuit. S'il y a que dans ton calfut qu'il y a des traces de pneus. J'arrive à chaud, mon flow assomme. J'suis trop andalo, n'est pas la haine. Si on t'a rendu ton contrat comme Dorasso. Que des cowboys sans gun ni lasso. Le street album fut la combinaison pour amorcer la bombe. Le rap est un moteur, ça marche pas sans essence. J'suis comme un ascenseur. Une fois en haut, tout le monde voudra me descendre. Après mon passage, le beat sera en convalescence. Ma rage brise les vitres, janvier à décembre. Techniquement, j'te fais serrer. J'arrive dans la mêlée, à mon tour de gérer. J'ai les faces, tu peux pas dire c'est rien. Représente pour tous les aînés dans ce bled. On ne fait que gérer plaid. Des personnes ne m'a aidé quand j'ai envoyé les mails. C'est le rap pour la rue, le rap pour les blocs. Le rap du bitume, le rap t'as la zone. Lève ton poing, lève ton joint, lève ton verre. Lève ta pierre solidaire pour les sœurs, pour les frères. C'est le rap pour la rue, le rap pour les blocs. Le rap du bitume, le rap t'as la zone. Lève ton poing, lève ton joint, lève ton verre. Lève ta pierre solidaire pour les sœurs, pour les frères. Ouais ouais, je crache des balles de rime. Je te fais danser comme une ballerine en cadence quand je bats le rythme. Okay. La sonna contra, c'est pas le rythme. La cité, c'est pas la garderie, faut lutter pour ta part de rire. On est tous habitués à voir le pire. Trop rares sont les barres de rire et noir est l'avenir. Alors je taffe pour les années à venir. Et j'attendrai mon heure, même si elle doit prendre des années à venir. Trop long, ça joue physique, l'équipe fait le forcing. Si je rate dans ton dos, je vais te briser le coccyx. Reste en face, ne pillez El Matador. On te serre à la gorge pour que tu restes en place. Dame sur le jazz, scarle sur le 16. Sale tu le sais, nous on parle et tu te tais. Je flirte avec la rime, moi je la frappe à la dure. Rap dans la tête, dans la zone, rap dans la hurle. C'est le rap pour la rue, le rap pour les blocs. Le rap du bitume, le rap dans la zone. Lève ton poing, lève ton joint, lève ton verre. Lève ta pierre solidaire pour les sœurs, pour les frères. C'est le rap pour la rue, le rap pour les blocs. Le rap du bitume, le rap dans la zone. Lève ton poing, lève ton joint, lève ton verre. Lève ta pierre solidaire pour les sœurs, pour les frères. Pour s'en sortir sa lutte, à chaque verset ça pue la rue. Cherche pas la guerre si tu représentes l'armée du salut. Ne t'avise surtout pas à vouloir tester mes lyriques. Moi je suis un BMW, toi t'es un BMX. Certains pèsent, certains perdent de l'oseille. Ceux qui se tapent des queues ont les avant-bras de Popeye. Nos vies c'est la mort des potes, la tolle, les blocs, l'osmo, la morgue, les cops, les ports se frottent. Provoque, provoque, révolte comme fruit de récolte. Chômeur, sans job, dealer, sous le porche, ici le diable emporte. C'est la vie du ghetto, y'a les stars dans le rétro, les tames et le veto. Ça écrase les bédos, évite la juge, une peine peut te casser les côtes. Pourquoi se casser les couilles dans les classes des écoles? Vendant du shit, tu fais plus de cailles que tes profs. J'ai la hargne, les crocs, je me suis armé d'efforts et je te narre le décor. C'est le rap pour la rue, le rap pour les blocs. Le rap du bitume, le rap t'as la zone. Lève ton poing, lève ton joint, lève ton verre. Lève ta pierre solidaire pour les sœurs, pour les frères. C'est le rap pour la rue, le rap pour les blocs. Le rap du bitume, le rap t'as la zone. Lève ton poing, lève ton joint, lève ton verre. Lève ta pierre solidaire pour les sœurs, pour les frères. Yeah, El Matador, Nubi Salté, okay. Marseille, 9-1, Bombatak Crew. C'est le rap dans la rue, le rap dans la zone. Rah. Lève ton poing, lève ton joint, lève ton verre. Lève ta pierre solidaire pour les sœurs.